Chapitre 25e. Quelques jours après la visite de Jacques à l'hôtel Passemart, M. de Garamante sonna un beau matin à la porte du peintre. « Ah, mon cher enfant, dit-il en le pressant dans ses bras, que je suis donc heureux de vous revoir enfin. » Après avoir fait sur le voyage, le séjour en Algérie, la dernière traversée, les questions obligatoires, le comte, qui, tout en interrogeant Henriot, n'avait pas un instant cessé de l'observer avec soin, lui dit, tout à coup, « Et maintenant, laissons-la Lorient pour causer un peu de vous. C'est un sujet qui m'intéresse davantage, et sur lequel vos rares et laconiques billets m'ont très insuffisamment éclairé depuis un an. Comprenez-moi bien, je ne vous demande pas de réveiller certains souvenirs. Allez, mon pauvre ami, je n'ai pas eu de peine à deviner ce qui s'est passé, je l'avais en partie prévu. Ne me parlez donc pas de cela. Je sais ». Mais dites-moi bien vite dans quel état d'esprit je vous retrouve. » Jacques resta un instant sans répondre, et ce ne fut pas sans un peu d'effort qu'il se décida enfin à parler. « Si vous m'aviez adressé cette question il y a un an, je vous aurais répondu que tout me semblait fini pour moi. J'avais un ami, vous savez ce que j'ai fait de lui. Il y avait une femme que j'aimais, vous savez ce qu'elle est devenue. Quand un coup comme celui-là vous frappe, on fléchit. Et il semble qu'on ne pourra plus jamais se redresser. Mais le temps a coulé, et comme tant d'autres, je me suis laissé reprendre à la vie. Sans la trouver ni belle ni bonne, il m'a paru peu à peu que cette enjôleuse était en somme moins haïssable que je n'avais cru à un certain moment. Il s'est fait en moi je ne sais quel obscur travail d'apaisement. La mer, le ciel, le désert complice ont bercé, endormi mon âpre désespérance. Je rapporte un peu de la paix de cet Orient impassible et rêveur. J'ai vu, là-bas, des brins d'herbe verts pousser sur des ruines vieilles de 4000 ans. Et je me suis dit qu'un peu de bonheur pouvait peut-être aussi fleurir sur un cœur dévasté. Que vous dirais-je? Je reviens, mûri par la souffrance, triste à jamais, non pas découragé, résolu enfin, à commencer une nouvelle vie que je partagerai entre le travail et, si vous le permettez, l'amitié. Si je le permets, ah, mon cher Jacques, c'est un bien grand bonheur pour moi de vous entendre parler ainsi. Vous êtes un homme sauvé, et l'avouerai-je, je craignais fort que vous ne le fussiez point. J'appréhendais qu'en dépit de toute cette maudite passion, oui, vous avez raison, maudite, c'est elle qui, parlons d'autre chose, dit-il en se contenant soudain, n'ayez aucune crainte, en revoyant Madame de Morincourt. Vous l'avez donc vue depuis votre retour? Oui, chez son père. Ne fallait-il pas que j'allasse visiter monsieur et madame Passemart? Je l'ai trouvée là. Ah, eh bien? Eh bien, je n'ai plus reconnu la femme que j'avais tant aimée. Il m'a semblé que je parlais à une étrangère. Et quand le souvenir de ce que j'ai fait à cause d'elle s'est présenté à mon esprit, j'ai eu peine à contenir l'expression de l'horreur qu'elle m'inspire à présent. Et comment a-t-elle été pour vous? Je ne sais. On m'a fait parler de mon voyage, je ne me suis pas occupé d'elle. Il me semble qu'elle a écouté, sans rien dire. Ah, je me souviens maintenant qu'à un certain moment, elle a adressé quelques mots assez vifs à son mari, qui venait de m'interrompre pour dire je ne sais quelle sottise. Ah, cela ne m'étonne pas, le ménage va mal, déjà. Oui. Et est-ce que vous allez chez eux? Non. Je ne suis même pas très bien avec Madame de Morincourt. Nous n'avons jamais eu beaucoup de sympathie l'un pour l'autre, mais je la vois de temps en temps chez son père. La guerre n'est d'ailleurs pas déclarée entre nous et... Tenez, j'y songe. Il faudra qu'un de ces jours je me décide à lui faire une visite. Je ne veux pas me brouiller avec elle. De quel côté demeure-t-elle? Avenue de Villiers. Et vous disiez que le ménage allait mal? Mais oui. J'ai surpris depuis 6 mois. Quelques symptômes de grave mésintelligence entre Morincourt et sa femme. Je crois qu'elle commence à perdre ses illusions sur la valeur du personnage. Telle que je la connais, elle doit être cruellement blessée dans sa vanité par la chute piteuse du drame de son mari à l'Odéon. Si Morincourt ne trouve pas le moyen de se relever à ses yeux, comme peintre ou comme écrivain, et de racheter cet échec retentissant par un succès, il est perdu. Vous croyez? J'en suis sûr. Ils causaient encore de choses indifférentes pendant 1 heure. Puis M. de Garamante, après avoir examiné avec intérêt quelques études superbes rapportées par Jacques, le quitta, non sans lui avoir fait promettre de venir dîner le soir au cercle avec lui. « Allons, se disait le comte, Tout va mieux que je ne l'espérais. Mon grand garçon est bien guéri cette fois. Son talent est en pleine croissance. Un bel avenir s'ouvre devant lui. » Il s'arrêta pensif et un bon sourire éclaira son visage. « Au fait, » murmurait l'aimable homme à mi-voix, « pourquoi pas, cela compléterait le sauvetage. » Une voiture passait. Il se fit conduire chez une vieille amie qui n'avait pas toujours été vieille et que l'on soupçonnait, sans preuve, d'avoir été dans le temps un peu plus que son amie. La façon tendrement respectueuse dont il baisa la main de la baronne de Royaumont en entrant dans son boudoir n'avait rien en soi qui infirmât cette opinion. Quand un homme touche ou baise la main d'une femme jadis aimée, des caresses assoupies se réveillent dans ses doigts, courent sur ses lèvres. C'est une chose exquise que ce frisson léger qui galvanise pour un moment nos pauvres amours d'autrefois et résume dans une volupté chaste et courte des mois ou des années de passion, comme on fait avec mille fleurs une goutte de parfum. « Chère baronne, » dit le comte en se redressant, « avez-vous une jeune fille à marier ?»« Pour vous ?» demanda-t-elle gaiement. « Oh, que non pas. Vous savez bien que j'attends votre veuvage. »« Et pour qui alors ?»« Pour un charmant garçon de ma connaissance. »« De la fortune ?»« Non. » »« Mais où je me trompe fort, où il gagnera une centaine de mille francs par an avant qu'il soit longtemps. » « Fis donc, il est dans les affaires, alors ?»« Non pas, il est peintre. »« Au fait, ça se ressemble assez aujourd'hui. »« Tous décorés et tous millionnaires. »« En attendant, il n'a pas le sou, votre protégé, n'est-ce pas ?»« Quelques espérances, au moins ?»« Ma foi, je lui connais de par le monde une manière d'ami, un vieux garçon sans famille, qui s'intéresse fort à lui, et finira sans doute par lui laisser une vingtaine de mille francs de rente. » « Y en a-t-il pour longtemps, le vieil ami ?»« Diable, vous êtes pressé. » »« Le détail a son importance. C'est la première chose qu'on me demandera. »« Qui on ?»« Mais tout le monde, les parents, la jeune fille elle-même, si j'en trouve une. »« Ah, baronne !»« Quelle grâce ont ces préliminaires du mariage contemporain ?»« Soit. » »« Dites donc à la chère créature que le vieil ami a le mauvais goût de n'être pas encore tout à fait aussi cacochime qu'on le pourrait souhaiter. » Qu'il ne se fait pas rouler dans une petite voiture, mais qu'il s'en excuse. Que d'ailleurs, la goutte le travaille assez rudement, et qu'il n'est pas interdit d'espérer, vu l'âge du podagre, qu'elle puisse un beau matin remonter au cœur. Tout cela est excellent. Voilà une espérance présentable, à la bonne heure. Vous me garantissez bien la goutte, n'est-ce pas, quand on se mêle de marier les gens. Vous avez raison, il faut de la probité en affaires. Y a-t-il un nom ? « Il s'en fait un, cela vaut mieux. »« Ah ça, vous n'êtes pas pour l'ancienneté de la race, vous. »« Pouah, les vieux noms, c'est comme les habits tout faits. »« Rarement ils vont bien, à qui doit les porter. »« Quel affreux homme. »« Tenez, au fond, vous n'êtes qu'un jacobin. »« Je n'ai pourtant jamais décapité personne, pas même le baron. »« Oh non, » dit-elle, « surtout lui. » Elle éclata d'un de ces petits rires que l'on n'entend jamais sortir de la bouche des femmes tout à fait vertueuses, et tendant la main au comte. « Allons, mon ami, c'est entendu, » reprit-elle, « je chercherai. Faut-il que vous me trouviez vieille femme pour venir me demander un pareil service? Je devrais vous refuser. Tenez, j'ai toujours été trop bonne pour vous. Vous le regrettez, cher ?» dit-il d'une voix très douce en se rapprochant un peu d'elle. « Non, » dit-elle après un silence. Sa bouche souriait. Quelque chose d'humide et d'attendri baignait le regard dont elle l'enveloppa. Monsieur de Garamante posa dévotement ses lèvres sur la face interne du poignet de son ami, à l'endroit où la transparence de la peau satinée laisse voir un réseau de petites veines bleues. Il resta ainsi, incliné devant elle, un peu plus longtemps qu'il n'était nécessaire pour être seulement poli, un peu moins qu'il ne fallait pour marquer un retour offensif. Le comte possédait l'art, qui se perd, de nuancer cet hommage, d'y mettre de tout, depuis le respect jusqu'à la passion, et savait baiser de 20 manières diverses la main de 20 femmes différentes. C'était une opinion chère à monsieur de Garamante, que la main d'une blonde ne se dût point baiser de la même sorte que celle d'une brune, qu'à la seule façon dont un homme procède en pareil cas, on peut voir aisément ce que vaut sa psychologie féminine, et deviner presque à quelle source il en a puisé les éléments. Le soir, il dîna au cercle avec Jacques. Le jeune homme lui annonça que, dans l'après-midi, un riche amateur américain était venu visiter son atelier et lui avait payé 15 000 francs une suite de 12 aquarelles rapportées du Caire. « Bravo !» s'écria le comte. « Ce Yankee a du goût, par hasard. accident qui ne se renouvellera probablement pas, mais dont vous faites bien de profiter. J'avais beaucoup admiré vos aquarelles ce matin. Vous en restait-il encore d'autres ? Une vingtaine, faites au jour le jour, un peu partout, à Constantinople, à Smyrne, à Jérusalem, en Égypte, en Algérie. Eh bien, mais savez-vous que c'est le commencement de la fortune ? Je le disais aujourd'hui même à quelqu'un, dans 2-3 ans, vous gagnerez ce qu'il vous plaira. Et serait un fort joli parti pour la personne à qui vous ferez l'honneur de l'épouser. Me marier ? Pas tout de suite. Dans quelques mois, dans un an, vous avez le temps d'y songer. Mais je suis sans famille. Raison de plus pour vous en faire une. Je ne connais personne. Moi, je connais tout le monde. Si vous voulez me faire le plaisir de m'accompagner un peu le soir, après votre journée de travail, je vous présenterai dans 20 maisons fort agréables. Si vous saviez quel sauvage je suis, tant mieux. Cela donnera aux femmes le désir de vous apprivoiser. C'est leur manie. Elles voudraient tout avoir un tigre domestique. Mais je n'ai pas envie du tout de me marier. Permettez. Vous sentez-vous le cœur libre ? Oui. Absolument libre ? Absolument. Eh bien, alors pourquoi ne pas faire du mariage le premier article du programme de cette vie nouvelle dont vous me parliez ce matin ? Pourquoi ? En effet, je ne le sais pas. Je n'aime plus, sans doute. Et pourtant j'éprouve une répugnance vague à tenter d'aimer encore. Il me semble que j'aurais à craindre que... Que sais-je ? Des souvenirs. Laissez pousser un bourgeon nouveau, et vous verrez comme elles tombent les feuilles mortes du cœur. Peut-être, en ce moment même, y a-t-il quelque part, je ne sais où, assise à la table de famille, près de sa mère, en face de son ouvrage ou de quelque Dickens à couverture rouge, une belle jeune fille, bonne, douce, naïve et simple. Celles-là seules valent qu'on les épouse, de qui le regard, en se posant sur vous, plaidera mieux que je ne saurais faire la cause du mariage, et la gagnera. Vous ne l'avez pas trouvée pourtant, vous, cette jeune fille. Faute de l'avoir cherchée à temps, mon ami, car elle a dû exister pour moi il y a quelque 25 ans, la fiancée inconnue, comme elle existe, j'en suis sûr, aujourd'hui pour vous. Et croyez-vous que je n'ai jamais déploré la solitude où me condamne mon célibat égoïste ? Ne sentez-vous pas, mon cher enfant, dans la sympathie qui m'attire vers vous, quelque chose de plus qu'un intérêt banal ? C'est la revanche de l'instinct paternel que je n'ai pas écouté jadis, car d'autres voix dominaient alors la sienne, et que j'entends à cette heure, parce qu'elles se sont tues pour laisser régner en moi le grand silence de la 50e année. Je deviens sentimental comme un seul pleureur. Allons fumer un cigare sur le boulevard, voulez-vous ? Ils se promenèrent jusqu'à une heure assez avancée. Le comte, comme tout bon parisien, était noctambule. Le lendemain, il alla dîner avec Jacques. Les deux hommes prirent rapidement l'habitude de passer leur soirée ensemble. Bientôt, Henriot se laissa entraîner sans trop de résistance dans quelques salons, où il n'eut pas de peine à obtenir, sous les auspices de M. de Garamante, ses lettres de naturalisation. Le comte mettait une discrète coquetterie à faire valoir son jeune ami. Il y parvint sans beaucoup de peine, car Jacques avait une distinction naturelle qui ne demandait qu'à être encore un peu affinée par l'usage du vrai monde, pour ne plus rien laisser à désirer. Le jeune peintre gagna rapidement cette assurance modeste, qui est le point où doit s'arrêter un homme de mérite, à égale distance de la timidité et de l'outrecuidance. Il dépouilla peu à peu sa sauvagerie et n'en garda qu'une certaine réserve fière, qui répugnait aux niaiseries de la conversation courante, aux banalités qu'on échange entre deux portes, aux liaisons conformes entre le potage et le dessert. On lui reprochait d'être un peu dédaigneux et de ne point causer assez. Monsieur de Garamante, très satisfait des progrès de son élève, essaya de l'endoctriner sur ce point. Il faut, lui disait-il, avoir le mépris des imbéciles, mais ne pas autant le laisser paraître. Bah, répondait Jacques, c'est le seul moyen de les tenir à distance, et encore. Ils sont tant et de nature si envahissante.